Cette émission vous est présentée en direct du disquaire Le Knockout, le disquaire indépendant spécialisé en vinyle et musique locale, 832 rue Saint-Joseph-Est. Bonjour! Hey, bienvenue tout le monde à l'émission spéciale en direct du Knockout. C'est l'émission direct dans Shop. C'est pour le 5e anniversaire du Knockout sur la rue Saint-Jean. Joseph, pardon. Ça commence bien l'émission. Vous voyez déjà beaucoup d'ambiance. On débute l'émission immédiatement avec des invités. Je ferai la liste des invités plus tard, mais puisqu'ils sont très occupés, on a ici Roxane et Jean-Philippe qui sont les propriétaires du Knockout. C'était important pour nous de commencer l'émission avec eux pour parler des 5 ans du Knockout et de cette journée d'anniversaire. Bonjour Roxane. Salut. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Claude. On est très content d'être ici, à être avec vous. Et puis, il y a beaucoup d'ambiance. Oui, tout à fait. Je pense que j'ai un petit roche de sucre du gâteau. Là. C'est ça qui se passe. Là. Ben oui, c'est ça. Il y a un gâteau ici. Oui, Rachel, sur t'as place. Fait le gâteau. Miam, miam, miam. Il y a ben trop de bonbons. Je suis vraiment sur un roche de sucre. C'est ça qui se passe, no joke. Là. Ouais, non, ouais. On n'est pas sur la rue Saint-Jean, Jean-Claude. On est sur Saint-Joseph. Saint-Joseph, nous pardon. Pas chez Vinyl. Non, effectivement. Effectivement. JP, Roxane. Oui. J'aimerais ça oui. que vous nous expliquiez un peu, puisque c'est le 5e anniversaire, le début, la genèse du projet, le Knockout. Comment ça a débuté, le Knockout, pour vous? Je vais essayer de faire ça bref. Oui. Alors, je pense qu'on était en 2012, dans le temps de Machine Gun Suzy. Je dis Machine Gun Suzy parce que ça nous avait permis d'aller au South by Southwest au Texas. Puis, quand on était là, c'est sûr qu'on avait déjà un peu dans l'idée de partir une shop de vinyle parce qu'à Québec, il y avait vraiment des bonnes shops, mais il y avait des trucs qui nous correspondaient un peu moins dans ce qu'on cherchait. Fait que quand on était au Texas, on est allé dans une boutique de disques qui s'appelle... C'était le Trailer Space. Merci Jean-Philippe Tremblay. Alors, ouais. on est allé dans la boutique en plein samedi après-midi, juste pour un peu shopper. Puis quand on est arrivé là-bas, il y avait un petit band dans le fond. Je dis petit band parce que dans le temps, il était vraiment pas connu, qui s'appelle les Mean Jeans. Maintenant, qui sont rendus quand même un band assez connu, qui ont été signés sur FAT. Oui, merci d'approuver. Puis, fait que dans le fond, on est arrivé là samedi. Il y avait le band qui jouait un peu comme tantôt Kuna jouait ici. Il y avait des gens de tous âges. Puis c'était vraiment un endroit où est-ce que les gens magasinaient en même temps qu'ils écoutaient un concert. Puis il y avait vraiment comme une ambiance très conviviale. Puis c'est quelque chose qui me rejoignait beaucoup. Puis je pense que Jean-Philippe était d'accord avec ça aussi. Oh, totalement. Fait qu'on a dit bon ben pourquoi pas faire ça à Québec. Alors nous sommes revenus et voilà. On a ouvert ça. Fait que ça, c'est le projet, c'était l'idée de départ. Effectivement, il n'y avait pas de boutique à Québec qui pouvait accueillir des performances, bien qu'il y en avait qui étaient conviviales, qui étaient gentilles, qui étaient le fun. Mais il y a quand même eu une année où il y a eu plusieurs boutiques qui ont fermé. Vous autres, vous avez décidé de prendre la chance et d'ouvrir une boutique. En Basse-Ville, ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de réelle boutique de disques. Leur mission première, c'était de rendre du vinyle disponible à tout le monde. Comment est-ce que les premières années, ou en fait la première année, je pense que vous aviez essayé d'ouvrir pour le Record Store Day, puis ça a été un peu compliqué. Ouais, ben c'est vous avez ça. Comme raté. Ouais. Oui, exact. La première année, on a ouvert. Ben là, tu vois, c'est aujourd'hui, c'est au mois de mai. On est presque même pas un mois après le Record Store Day. Donc, c'était trop serré dans le temps. Tu sais, je veux dire, il arrive toujours des imprévus, les travaux, les ci, les ça, les commandes qui n'arrivent pas. La peinture. Ouais, toutes faire rentrer le stock en avance aussi. Fait que c'était bien de la job qu'on connaissait pas tant au début. Fait qu'il fallait comme s'habituer. Fait que pour le rush du Record Store Day, c'est pour ça que ça a été un peu par après. Oui, ben c'est ça. Il fallait comme un peu se faire se mettre la main à la porte, puis comme un peu se faire à l'idée avec qui distribue quoi, comment ça fonctionne, le principe de premier arrivé, premier servi en tant que disquaire aussi pour le Record Store Day. On était un peu, tu sais, c'est de se partir des... Comment on appelle ça? De s'inscrire chez un distributeur, de faire des connexions. L'ouverture normale. Exact, l'ouverture d'un compte. Ouais. C'était trop serré. Fait qu'on a dit tant qu'à le faire tout croche, ben on va le faire l'autre année d'après, tout simplement. Là, fait que, ouais. Et c'est quand même une journée importante pour vous, le Record Store Day. C'est la journée des disquaires pour les auditeurs qui ne savent pas. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un projet de disquaires indépendants de s'unir puis vraiment célébrer les disquaires indépendants ensemble. Je crois que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais. C'est quand même assez gros au Québec depuis peut-être 5 ans, à peu près au moment où vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé quand même au bon moment pour la relance, le second souffle ou le troisième souffle, si on veut, des disquaires indépendants, surtout majoritairement le regain de popularité du vinyle, parce que c'est majoritairement ça que vous avez, c'est ça? Oui. Vous, c'est important pour vous qu'il y ait une précision dans ce que vous faites, parce que... Oui, une cohérence, une précision. Continue, Jean-Claude, ta phrase. Alors, tu me tendais la main. Bien, je voulais un peu que vous expliquiez ce que vous aviez ici, puis pourquoi que vous aviez ciblé ces styles de musique-là. Au début, on avait surtout ciblé, on va dire, punk, metal, garage, parce que c'était vraiment plus les styles que nous autres, personnellement, on connaissait. Fait qu'on se débrouillait, on va dire, mieux là-dedans. Mais ça a vraiment été avec le temps qu'on a comme plus ouvert vers le rock, indie, post-punk, jazz, blues. Surtout en parlant beaucoup avec les clients qui viennent, qui nous en demandent, qui nous parlent des groupes. Puis là, avec le temps, si tu connais plus les distributeurs, tu connais plus ces affaires-là. Fait qu'on a un peu élargi nos horizons dans les styles musicaux par rapport à l'idée première de la boutique. T'sais, je veux dire, même quand on a décidé d'ouvrir, on n'était vraiment pas fermé à élargir éventuellement. Mais c'est sûr que quand il faut commencer, il y a beaucoup de choses à prévoir. Comme tu l'as dit, Jean-Claude, c'est un peu risqué aussi, le vinyle. Donc, on aimait mieux commencer un peu plus petit puis continuer tranquillement à bien faire les choses que de partir en peur puis que finalement, on se garochait un peu partout. Là. Fait qu'on a fait ça tranquillement. Puis comme JP a dit, avec l'aide de certains clients qui nous ont un peu aiguillés. Hey, je suis pas pire, le petit jeu de mots. Oh. Ben, oh, hein? C'est parce que Gabriel Bégin était là tantôt. Fait que ça m'a influencé. Ouais, fait que c'est ça, c'est comme ça. Ben, effectivement, plus tôt dans la journée, pour les gens qui étaient ici, on a entendu Marguerite Tracteur faire une performance. Kit Kuna qui est venu aussi faire une apparition spéciale, qui a même pris des demandes spéciales. Il a même joué des pièces. Son prochain disque, c'est le fun. Son prochain disque pour enfants, mentionnons-le. Ça fait des invités vraiment spéciaux pour des trucs comme ça, mais vous avez quand même l'habitude, vous avez quasiment entraîné les gens d'habitude de venir soit pour des lancements de disques ou des performances. Chaque chose qui n'est pas commune pour un magasin de disques. C'est important pour vous d'avoir cet aspect-là? Moi, oui. Tu sais, je veux dire, je fais de la musique aussi à la base, puis je trouve ça important d'avoir aussi un lieu de diffusion. Tu sais, on a des excellentes salles de spectacle à Québec. Le but, c'était pas d'aller jouer nécessairement dans leur plate-bande. Ce qu'on fait souvent, c'est des petites prestations comme ça l'après-midi ou encore en début de soirée. 5 à 7. C'est ça, c'est 5 à 7, gros max 6 à 8. Des courtes prestations, ça permet, entre autres, tu sais, tantôt, on parlait de Kuna qui va lancer un album pour enfants, mais il y avait justement des enfants qui aiment vraiment Kit Kuna. Les parents sont venus, oui, pour eux autres aussi, mais les enfants aiment Kuna, connaissaient les chansons. Donc, pour eux, qui ne peuvent pas aller voir ces concerts-là dans des salles 18 ans et plus, ça permet un peu d'élargir... Allô, Gabriel! Ça permet un peu d'élargir... pas le public, mais tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, je me rappelle des concerts que j'ai vus puis que j'avais en bas de 18 ans. Ça m'a marqué. Fait que je me mets à leur place. Je trouve que c'est une opportunité vraiment importante. Puis pour moi, c'était important de faire vivre ça à ces gens-là. Vous prenez la chance, c'est pas juste des artistes locaux non plus que vous accueillez. Vous avez des artistes qui sont parfois en tournée, oui, et parfois qui sont pas très connus en développement. Comment est-ce qu'ils vous approchent? Vous avez quand même une bonne liste d'artistes. C'est vous qui les approchez? En très grande partie, c'est eux qui nous approchent. Ça va être nous qui vont aller plus chercher, plus Roxane là, qui est bonne là-dedans. Là. Mais disons, pour le record sordé, la fête du knock-out, là, c'est nous qui va aller plus chercher les artistes. Mais au jour le jour, c'est vraiment eux qui nous écrivent via courriel quand ils sont en tournée ou sont entre deux villes, font un petit stop à Québec. Exactement. Puis c'est Gabriel, justement, il y a Marguerite Tracteur que tu viens de mentionner, qui s'occupe désormais du booking du knockout. Les gens le contactent, puis comme Jean-Philippe disait là, en petit top de l'extérieur, on les matche avec un band local également, évidemment, là, pour autant pour eux que pour tout le monde, dans le fond. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Avec l'idée d'avoir élargi les styles, il y a quand même beaucoup de disques québécois, beaucoup de vinyles québécois qui revient sur le marché. Vraiment. Juste cette semaine, il y a le disque de Fiori Séguin et le disque d'Abitibi qui est revenu sur le marché. Pour vous, est-ce que c'est des disques qui restent quand même importants ou c'est des trucs que vous dites, crème, cette clientèle-là est peut-être pas évidente à aller chercher? Comment est-ce que vous faites... pour, de un, aller chercher cette clientèle-là, puis de deux, l'impact que ça a sur un disquaire comme vous, qui c'était peut-être pas nécessairement votre but au départ. Au départ, mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix de s'ajuster aussi. Là. Je veux dire, il y a de la demande pour ça. Comme l'album d'Abitibi qui a été pressé à 1000 copies. Nous, on avait pris des réservations, puis c'est fou le nombre de personnes qui désirent avoir cet album-là, qui était juste existant, je pense, en copie originale. Puis je pense que c'est Gilles, justement, Gilles Chaumel, qui est chez vous, à CKRL, qui m'a Gilles un peu Chaumel. Expliqué le... Je trouve ça important parce que, tu sais, dans le fond, ça montre un peu le vinyle à quel point il y a comme une espèce de folie puis de collectionneur qui s'empare de ça. Je pense que le premier d'Abitibi, l'album Boomtown Café, je pense que c'est Desjardins qui avait demandé aux gens de lui donner des sous pour qu'il puisse aller faire son disque. Puis après ça, il a dit, quand je vais avoir fait mon disque, je vais vous donner une copie. Donc, il y avait un peu le principe de campagne de sociofinancement, dans le fond, qu'on connaît maintenant. Donc, quand Desjardins a fait l'album, il est allé... semble-t-il qu'il a nommé chaque personne à son concert qui avait participé à son disque, dans le fond, a contribué monétairement avant même la sortie, et il leur a donné un album en échange. Donc, ce qui fait en sorte que c'est pour ça que le pressage original est extrêmement difficile à trouver. Les gens qui l'ont reçu de la main propre de Desjardins, bien, le gardent, évidemment. Donc, quand on fait quand ils font des rééditions comme ça d'un album assez culte au niveau du Québec, bien, je pense que les gens ont vraiment le goût de l'avoir en leur possession, puis ça devient une pièce de collection, mais ça devient quelque chose qui vient un peu soulever la nostalgie aussi chez les gens. Là. Fait que oui, c'est très important. Les gens, ils sont là pour ça, pour venir chercher ces albums-là, puis je pense pas qu'on ait besoin d'aller les chercher nécessairement par la main. Là. Ils viennent voir si on a ça ici, puis moi, je suis vraiment contente. T'sais, ça montre qu'il y a de la demande pour le disque vinyle, puis on va et continuer. Et ça s'écoule assez rapidement, puisque tu mentionnes qu'il y a juste 1000 copies de la version d'Abitibi. Ils ne parlent pas de le garder en impression. Pour le moment, non. Mais par exemple, l'album des Colocs, le premier album des Colocs qui vient d'apparaître sur le marché. Oui. Présentement, on n'en voit pas sur les murs parce que c'est écoulé. Oui. Donc, non, ça a vraiment parti, je pense, en une fin de semaine. Oui, bien, à la différence, c'était un album comme genre, tu sais, du Record Store Day, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réservation possible là-dessus. Mm-hmm. À ce moment-là, c'est le principe de premier arrivé, premier servi. Je veux dire, on en a manqué, façon de parler, là, on en vendra encore si... Tu sais, ça dépôt puis des comptes un peu. Là, c'est pas juste un engouement de popularité, c'est l'amour que les gens ont. Avec pour les colocs. Ouais. Des colocs, exact. Et de le posséder en vinyle, c'est important pour ses fans. Je pense que oui, je pense que c'est la première fois justement qu'il se faisait là, cet album-là en vinyle. Oui. Donc, c'est comme la première fois. Puis, c'est quoi, c'est en quelle année, cet album-là? 93, dans ces eaux-là? Je fouille dans mes notes. Ouais, non, là, c'est ça. On fouille dans nos notes. Non, c'est ça. Les gens ont le goût de posséder un album vinyle qui leur remémore aussi leurs bons et mauvais souvenirs, je suppose. On a encore beaucoup d'invités qui s'en viennent. Merci beaucoup, JP et Rox. On vous retrouve un peu plus tard dans l'émission. Peut-être parler des meilleurs vendeurs et des palmarès. Avant qu'on entre en musique, il y a un tirage présentement. Est-ce que Rox, tu voudrais l'expliquer? Il y a un petit tirage dans le cadre du 5e anniversaire du Knockout. Maxime qui est en train de faire des photos live. J'aime bien ça. Sur la page Facebook du Knockout, on est allé publier ce matin qu'on faisait tirer deux certificats cadeaux de 50$. Parmi les gens qui vont commenter... En fait, c'est cocasse, là. Soit une anecdote ou encore un souvenir qui ont un lien avec la boutique. Puis on va faire un tirage au hasard mardi. Évidemment, tirage, ça veut dire hasard, là, mais désolé. Mardi qui vient. Donc, c'est vraiment juste un peu pour se remémorer les coups, les bons et peut-être mauvais. Non, les drôles de coups qui se sont passés au Knockout. Là, j'ai lu brièvement à date, puis il y a quand même des souvenirs assez... C'est assez coquin, je te dirais. C'est très drôle, c'est effectivement. Je suis allé lire quelques commentaires. Peut-être qu'on aura le temps d'en lire quelques-unes, anecdotes en ondes un peu plus tard. Pour l'instant, on va y aller en musique avec un artiste qui est quand même bien apprécié ici à la boutique, vraiment. Fred Fortin, tiré de son album Ultramar. L'émission spéciale Les 5 ans du Knockout, direct dans Shop. Ton cœur est un robot qui crie sa soif. Ton nom part en bocal avant de te ramasser avec un flat. Faudrait que tu passes au stand. Ton histoire se résume en un trait noir. Le goudron de carbone tu laisses dans un nuage qui graine des airs. Le monde qui s'étonne de te voir. Toujours vivant au volant de ton corbillard. Faut innocent pour se garrocher pleine face. Le yaourt au corps, le couteau entre les dents, les os de ta carcasse se feront un devoir de te le dire. Si t'embrasses le décor qui avait juste l'air d'un film dans ton windshield, c'est pas acheté, c'est bien plus fort. Même les Chinois ne sont pas rendus là encore. On est en direct du Knockout sur la rue Saint-Joseph. C'est pour souligner les 5 ans du Knockout. On est direct dans le shop. Et on a plusieurs invités tout au long de l'émission. On a l'honneur d'avoir Gabriel Schenk et Alexandre Martel avec nous qui vont partager un peu leur expérience, leur appréciation et leur le côté artistique de tout ce qui est vinyle. Et vous pouvez venir nous joindre. Il y a encore du gâteau. On est là jusqu'à 17h sur la rue Saint-Joseph. Gabriel Schenk, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On est très heureux. C'est tellement plaisir. T'as fait ressortir le soleil, c'est super. Ah oui, bon, je suis arrivée avec le soleil. On aime ça. Gabriel, explique-moi, toi qui es à Québec depuis quand même longtemps, ouais. C'est quoi ton amour, ton rapport au disque vinyle? Est-ce que ça vient de ton père ou est-ce que ça vient... Est-ce que tu as découvert les vinyles par toi-même? Non, je pense que ça vient clairement de mon père, mes parents, plus précisément. Ouais, quand on était jeunes, chez nous, quand j'étais petite, en fait, on avait une table tournante. Mon père a une bonne collection de vinyles qui m'a un peu léguée parce qu'eux autres, ils ont plus de table tournante, puis moi, j'en ai une. Fait que c'est le fun. Il y a plein de vieux disques que mes parents avaient qui sont vraiment le fun que je possède maintenant. Mais ouais, je pense que ça vient pas mal de mes parents. Mais on a été longtemps sans table tournante, puis... Vers la fin, je dirais, de mon adolescence, j'ai comme retrouvé comme un désir envers le vinyle, ce qui fait que un jour, je me suis comme acheté une table tournante. Puis le pire, c'est qu'elle a dormi vraiment un bout, puis j'en ai eu une coupe. Puis après ça, ben là, maintenant, c'est comme un indispensable. J'ai une table tournante chez nous, puis une collection de... Une petite collection de vinyle, pas si grosse, là. J'essaie de me... De me contenir dans ça. Mais... Il y a une passion puis une maladie autour de ça, ouais, mais ça. Je peux comprendre. Alexandre Martel. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Et toi, ton amour, ta découverte du format vinyle? Ben, Alice Cooper, c'est venu sur le tard, mais ça a été dernièrement une obsession en vinyle. Mais en fait, ça vient comme d'un manque, là, parce que mon père étant un homme de son temps, un homme de vision, fait partie de ceux qui a vendu tous ses vinyles pour racheter tout ce qu'il y avait en CD à l'époque. Puis je me rappelle que dans le sous-sol, il restait quelques disques qu'il n'avait pas réussi à vendre parce qu'il était trop poche. Là. Il y avait, je pense qu'il y avait un disque de Luba. Puis je pense qu'il y avait une copie vraiment défaite de Come Taste the Band de Deep Purple, une affaire comme ça. Là. Puis j'étais juste, j'aimais ça les regarder, puis les prendre. Puis il y avait une table tournante, mais qui fonctionnait pas, qui était défaite. Puis je me rappelle, je la branchais en espérant qu'elle fonctionne, tu sais, mais genre plusieurs fois, là, comme si magiquement elle pouvait se mettre à fonctionner. Puis c'est comme une fixation qui vient du fait de. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelle même à l'époque, mon père des fois me donnait de l'argent pour m'acheter des CD, puis j'étais arrivé avec un vinyle de King Crimson, puis t'es là, mais tu peux même pas l'écouter, pourquoi t'as acheté ça? Je sais pas. Donc le format, c'est vraiment quelque chose qui t'attire. Oui, tout à fait. Gabriel, toi aussi, c'est un format qui t'attire. Ouais. Donc d'avoir une boutique indépendante comme ça, au centre-ville, mm-hmm. vous autres en tant qu'artistes, mais aussi en tant que fan de musique, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous représente? Mais pour moi, c'est vraiment important pour la vie de la Basse-Ville puis pour sa vitalité. Là, on dirait que ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a longtemps été un lieu qui était absent de tout disquaire. En tout cas, moi, j'ai jamais connu la Basse-Ville avec un disquaire avant le Knockout. Là. Je veux dire, une boutique qui est dédiée qu'au disque puis à la vente de disques. Là. Ce qui fait que, je sais pas, je pense que j'ai tendance à être un peu chauvin, mais le fait d'avoir quelque chose en Basse-Ville, c'est plus près de mon cœur que d'avoir à monter avec les touristes. Puis ceci dit, j'adore aller chez Sony aussi, mais de venir ici, on dirait que ça fait comme partie du quotidien plus que de l'événement. Là. C'est sur ton chemin, ouais. Moins en Haute-Ville. Il y a encore des disquaires de l'île en Haute-Ville, oui, mais il y en a quand même beaucoup qui ont fermé. Aussi. Peut-être qu'on y va moins aussi en partie à cause de ça. Ouais. Toi, Gabrielle, ton expérience, est-ce que tu as la chance de devenir de oui, temps en vraiment, temps? J'aime ça. Puis ce qui arrive, c'est que c'est le Knockout, c'est vraiment destiné un peu à la musique alternative. T'sais, le but premier ici, en plus, ça a été ça. C'est comme, OK, c'est un disquaire où, justement, mais tu peux retrouver des vinyles de bandes de Québec, des bandes du Québec en général. C'est ça, des trucs que tu trouves pas ailleurs qui vont être vraiment, vraiment précis et... fait que ça, c'est le fun d'avoir ça. Ça donne juste... J'aime ça, moi, les trucs physiques, tu sais. C'est le fun de venir fouiller, toucher les affaires. Ouais. Aussi bien dit que ça. J'aime ça venir toucher les affaires. Puis comment tu sens quand tu touches ton propre album en vinyle? Parce que maintenant, t'es ouais, signé, t'as eu la chance de ton propre vinyle. Oui, mon propre vinyle. Ouais. Oui, yes! Puis, je l'aime, mon vinyle. C'est vraiment bizarre. Mais je le trouve beau. Là, il est bien plus beau en vinyle qu'autrement. Mais c'était comme, on dirait que moi, c'était ça quand on a pensé à la pochette, tout, je disais, il faut que ça soit beau en vinyle. Tu sais, en tout cas, moi, maintenant, ben c'est ça. Ce que j'achète de physique, je l'achète en vinyle. Puis, j'aime ça. C'est le fun. Ça sonne bien. Il y a quelque chose de le fun, moi, quand je suis chez nous puis que je mets mon vinyle, c'est un moment avec l'album, tu sais, qu'on vit plus nécessairement, tu sais. Puis il faut que tu y portes attention parce qu'il faut que tu ailles le flipper à un moment donné, tu sais. Fait qu'il y a pas en de... En plus, tu sais, c'est ça. Ça ramène notre écoute, je trouve, à un disque complet, en ordre. Tu sais, c'est conçu à base, c'est comme conçu pour ça. Comme l'artiste a voulu t'sais. Qu'on l'écoute aussi. Oui, exactement. Parce qu'il y a tout ça. Toi, Alexandre, est-ce que tu as eu la chance de jouer dans des groupes qui ont eu qui ont imprimé des disques? Ben, le disque de Gabriel. Oui, parce que c'est vrai, t'as joué sur l'album de Gabriel. Mais dans, exemple, Mauve, vous n'avez pas eu la chance non. encore. Anatole? Ben, on me dit que oui, pour le prochain sera sur vinyle, ouais. Bon. Enfin. Ben, ça veut dire que tu vas enfin pouvoir écouter ta propre musique sur vinyle. Parce que ce que je trouve particulier, puis c'est une des raisons, je voulais t'en parler un petit peu, on en parlait un peu hors d'onde, toi, Alexandre Martel, si tu ne possèdes pas le disque, tu ne l'écouteras pas en version digitale. Effectivement, j'ai jamais acheté un album sur iTunes dans le temps que le monde faisait ça, puis je suis pas abonné à aucun service d'écoute en ligne. Mais là, donc, si tu, ou exemple, quelqu'un dit je vais te refiler cet album-là en MP3. Si tu ne l'as pas, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. J'aime ça. J'adore ça. Non, mais c'est... Oui, vraiment. Mais il faut dire que je triche parfois parce que des fois, en tournée, on écoute des trucs puis les gens ont des téléphones puis là, il ne faut pas, pas charrier. Mais le truc, c'est que j'aime le fait de chercher puis d'avoir à penser souvent à un disque. Puis là, je me souviens, à un moment donné, je cherchais vraiment un album d'Alice Cooper. Puis là, je le trouvais nulle part. Mais là, je ne pouvais pas l'écouter. Puis là, c'est le seul qui manquait dans sa période classique. Puis j'avais vraiment le goût de l'écouter jusqu'à temps que je le trouve. C'était Muscle of Love. Finalement, je l'ai trouvé quelque part. Mais tu sais, tant que... Je sais pas, il y a une espèce de passion qui s'installe. Puis quand tu le trouves puis tu l'écoutes, il y a un moment beaucoup plus pertinent puis significatif que si tu perçois la musique comme un flux continu de diffusion sur lequel tu fais juste te brancher puis t'enlever après, là, ça devient bien plus personnel. Puis le fait d'être déçu d'un album aussi, quand tu le cherches comme ça, ça fait partie de l'expérience puis ça renforce tout. Avoir su, j'aurais amené We're All Clones. Hein? Mais We're All Clones d'Alice Cooper. Ah! Avoir su, ben oui, que t'es fan. J'aurais adoré. Mais à place, on est allé avec une demande spéciale de Lucien Francœur, le rapabili. Oui. Hey, merci beaucoup d'être venu, de profiter du gâteau, profiter de la boutique. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Ouais. On est toujours sur les ondes de CKRL, l'émission spéciale Les 5 ans du Knockout, direct dans la shop. Venez nous voir, venez nous rejoindre et on écoute Rapabili de Lucien Francœur. C'est Shirley. Elle me demande ce que je fais. Je dis que je fais pas grand chose, mais que de toute façon, j'aimerais ça si elle venait faire un tour à la maison. Un peu plus tard, Shirley arrive. Elle me demande d'y composer une tune parlée comme à radio, une tune pour la faire danser. Je prends ma méthode de guitare, je m'en vais pratiquer chez Oscar. Pour essayer d'y composer une tune de rap. Vous connaissez Shirley? Elle voulait entendre du rap à Billy. Le rap à Billy, vous connaissez? C'est KRL. Embrasse-moi encore. Du 3 au 16 mai, écoutez Première Loge et devenez un des 10 finalistes pour les deux tirages de deux zones avant-scène or pour le concert de Patrice Michaud le 10 juillet au FEC. Oh, ma belle amie. Deux gagnants seront tirés au hasard en ouverture de l'émission Jamais comme tout le monde au Sacrilège le 23 mai prochain. Bonne chance! Est-ce que vous ne m'aimez pas? Non, pas plus que de raison. On a juré que vous étiez presque malade d'amour pour moi. Et moi, on m'a juré que vous étiez à peu près mort d'amour pour moi. Il n'en est rien. Ainsi, vous ne m'aimez pas? Pas autrement, en vérité, qu'une amicale sympathie. Silence, je vous ferme la bouche par un baiser. Oh. Les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec présentent « Beaucoup de bruit pour rien » de William Shakespeare dans une mise en scène de Maxime Robin au Théâtre du Conservatoire du 6 au 11 mai. Réservation nécessaire au 418-643-9833. Voyez au cinéma le plus récent film de Nadine Baudet et Christian-Mathieu Fournier. Sans qu'on soit dans la maison puis qu'on soit toutes là à envahir l'espace pendant 4 heures, ben moi, j'ai hâte qu'il arrive. La Maison des Syriens est un documentaire touchant sur un village de Portneuf qui se mobilise pour accueillir une famille de réfugiés syriens. On va aller à Montréal demain chercher là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? À l'affiche au cinéma Le Clap dès le 11 mai. Pour clore sa saison, l'Orchestre symphonique de Québec a le bonheur de recevoir l'un des plus grands pianistes canadiens reconnus internationalement, Marc-André Hamelin. Au programme, une œuvre d'une grande virtuosité, le célèbre concerto pour la main gauche de Ravel. Un concert présenté le mercredi 30 mai à 20h au Grand Théâtre de Québec. Hydro-Québec, partenaire de saison. La mer à boire. Tu aimes la bière et les produits de la mer? La Korrigan te propose une dégustation de 6 bouchées de différents produits de la mer en accord avec 6 bières artisanales dans le cadre d'une conférence sur les pratiques et produits de la pêche durable et responsable. Après la conférence, vous pourrez profiter de notre bar à huîtres installé spécialement pour l'occasion. Différentes variétés d'huîtres seront ouvertes devant vous par notre écailleuse professionnelle au prix unique de 2$ l'unité. Ça se passe mardi le 22 mai dès 18h. Pour acheter tes billets, va sur notre site web korrigan.ca. La Korrigan, boire local, boire artisanal, la mer à boire. Let me tell you about vous est présenté en direct du disquaire Knockout, le disquaire indépendant spécialisé en vinyle et musique locale. 832 rue Saint-Joseph-Est. Présentement en direct du Knockout pour souligner les 5 ans. Vous êtes sur les ondes de CKRL. Venez nous rejoindre. Venez nous voir ici, encore du gâteau sur la rue Saint-Joseph. Il y a de l'ambiance. Il va y avoir peut-être un cran de plus d'ambiance avec notre prochain invité. Bonjour. Monsieur François Gariepy. Merci beaucoup d'être là, François. Ça fait plaisir. François, j'ai décidé de t'inviter à l'émission parce que t'es quand même un genre d'encyclopédie à propos de la musique de la ville de Québec. Et puisqu'on, merci. Qu'on parle d'un disquaire indépendant puis qu'il y a quand même beaucoup d'activités locales qui se passent ici au Knockout, je me suis dit que ce serait une bonne idée de te tendre la perche et parler peut-être des 5 albums les plus importants ou les plus influents que tu considères pour la ville de Québec, mais il paraît que c'est pas ça que tu as décidé de faire. Ben en fait, moi, je trouvais que l'exercice était trop facile. Jean-Claude, on a été disquaires longtemps ensemble chez Platine, le défunt magasin de la rue Saint-Jean. Aujourd'hui, on est là pour célébrer les 5 belles années d'existence du Knockout ici sur la rue Saint-Joseph. Mais au fil de mes réflexions, j'ai pensé à des groupes comme les Lost Fingers, les Respectables, les Moelleux Stars, des artistes qu'on aime beaucoup comme Pascal Picard, Jean Leloup, Sylvain Lelièvre, hein, qui a marqué l'histoire de la musique de Québec, Jérôme Minière aussi, qui avait enregistré au Grand Théâtre de Québec. Mais je trouvais que l'exercice était trop facile, Jean-Claude. Le niveau de difficulté n'était pas assez élevé. Il n'était pas à ton niveau. Exactement. Donc, okay. je propose plutôt aujourd'hui, là, en guise de chronique, les 5 bootlegs les plus marquants de l'histoire de la ville de Québec. C'est parfait. C'est ville parfait. De rock, Québec, donc Québec Rock City, hein, on l'a déjà... En plus d'être un archiviste de la musique locale, tu es un archiviste des concerts locaux. Oui, c'est ça. C'est des choses qui sont souvent disponibles chez les bootleggers, là, ce qu'on était à l'époque là, de Platine, mais aussi maintenant sur YouTube, cette nouveauté là, qui fascine tant et qui nous empêche souvent de nous coucher tôt. Donc, des concerts qui sont faciles à retrouver sur YouTube, des concerts qui ont marqué donc l'histoire du rock, mais aussi l'histoire de la ville de Québec. En 5e position. Ben, on a les amis de Genesis. Tu sais qu'à Québec, c'est une ville de prog. Et à CKRL, on en parle à l'occasion de musique progressive. Le 3 mars 1977, le groupe Genesis, avec à l'époque son chanteur original, non pas Phil Collins, mais l'autre, venait au Colisée. Peter Gabriel. C'est ça, tu connais tes noms, tu connais ton groupe, tu connais ta musique prog. Pop. Tu connais ton prog pop. Il était au Colisée pour un concert qui aura été un des mieux filmés de toute l'histoire de cette tournée-là. C'est pourquoi les fans de Genesis se réfèrent souvent au concert de Québec, celui de 1977, pour revivre ces moments-là. La qualité sonore y est, la qualité vidéo y est, ce qui est assez curieux pour l'époque. Ça fait donc un document d'archives qui, jusqu'à maintenant, a été cliqué près de 400 000 fois. Et c'était quelle tournée? Selling England by the Pound? Land Lies Down on Broadway, peut-être? La pochette est jaune. Selling England by the Pound. C'est bien celle-là. Merci beaucoup. En 4e position, un groupe qui me rejoint davantage, à l'époque où le mariage entre le V-metal et le punk n'était pas encore tout à fait consommé. On parle évidemment de Motley Crue, un concert qui aura marqué l'histoire de la ville, mais aussi l'histoire du rock. En mars 1984, c'était la première visite de Motley Crue au Québec. C'était la tournée Shout at the Devil. Ils étaient presque connus. Seulement 7000 personnes ont assisté au concert. Mais un petit brillant avait rentré une Betacam dans le Colisée de Québec. On ne sait pas comment il a fait, mais c'est devenu l'ultime concert de Motley Crue de 84 filmé. Donc, partout, en Pologne, en Angleterre, en fait, toutes les places... Tout le monde se réfère à ce show-là filmé à Québec. Exactement. Et puis, ben, on a là, les meilleurs moments. Shout at the Devil, Red Hot. Bien avant qu'ils fassent des balades, Motley Crue était un groupe rock. Donc, ça rappelle aux gens combien ils étaient puissants et vigoureux à l'époque. Est-ce que toi, jeune fan de Motley Crue, étais présent? Mieux que ça, j'ai même acheté les billets, pas les billets, mais les bancs du Colisée. Quand on a vendu les bancs du Colisée là, à la refonte du Colisée de Québec, on a vendu tous les bancs pour, par exemple, là, les fans des Nordiques qui voulaient racheter les billets qu'ils achetaient d'année en année. Oui. Moi, j'ai appelé, j'ai dit « Ouais, j'aimerais avoir mes billets. » J'ai donné là, dit, c'était pas votre billet de saison, ça, M. Guerrier. Puis j'ai dit « Non, c'était mes billets de Motley Crue. » Et à la maison, comme ça, on a les bancs de Motley Crue. Quand ma mère vient à la maison et elle met ses bottes, c'est sur les bancs de Motley Crue qu'elle se botte. En troisième position, ben, je pense que tout le monde était là, évidemment, là, à ce concert-là. C'est Paul McCartney, le chanteur des Beatles, qui, à Québec, avait fait un tabac là, devant 250 000 personnes. C'est un concert là, qui a été... C'est pas un vrai bootleg, hein, ça a été filmé. Et c'est présentement disponible, présentement, là, parce que ça se peut qu'à la fin de cette chronique-là, on le fasse disparaître. Mais c'est présentement disponible sur YouTube, le concert de Québec de Paul McCartney, là où il y avait eu tant... Là où le lien avait été tissé là, entre Paul et la ville de Québec. Évidemment, Paul n'était jamais venu à l'époque. Il est venu deux fois jusqu'à maintenant, mais jamais venu ni avec les Beatles, ni avec aucun projet parallèle. Donc, ça a été vraiment un événement marquant. On parle du concert de 2008. Exactement. Le concert de 2008 devant 200 000 personnes qui dure 3h45. Donc, tu sais, amenez-vous quelque chose à boire ou à grignoter parce que c'est quand même assez long. Mais c'est vraiment un moment, dans l'histoire de Québec, c'est vraiment un moment de grâce. C'est un moment formidable. Ça l'a scellé, je crois, pour les artistes en tournée, quelque chose, en tout cas, de pouvoir réussir cet exploit-là, à ce moment-là, dans la carrière de McCartney, mais aussi dans le cadre des... C'était pas nécessairement... C'était un événement pour le 400e de Québec? C'était un événement pour le 400e, oui. Qui n'était pas en lien avec le festival d'été, mais présenté au même endroit, sur les plaines d'Abraham. D'accord. Et c'était gratuit. Et c'était gratuit. Et ça, c'était... les gens de Québec, ils aiment ça. Et c'était très couru. C'était très couru. Oui, oui. Ça n'a pas paru 3h45. Je me rappelle d'avoir été là, puis ça avait passé de même. On a eu droit à un spectacle formidable. Tu iras le voir, le Paul McCartney, c'est disponible sur YouTube. En deuxième position, rares sont les gens qui savent que Pink Floyd est déjà venu à Québec en novembre 71. Donc, il y a des jeunesses ici qui ne pouvaient pas assister au concert. Trop jeunes, beaucoup trop jeunes pour assister au concert. À l'époque, j'étais recherchiste à Radio-Canada et un homme gentil, très gentil, fan de Pink Floyd, m'avait amené le concert en CD de Québec, celui de novembre 1971, la tournée Medal, donc pour les fans de Pink Floyd. C'était le Château qui présentait ça sur la rue Saint-Jean. Le Château, c'est un magasin de vêtements qui, à l'époque, était un disquaire. Donc, le Château présente Pink Floyd à Québec. J'ai le programme à la maison. Et puis, ben, vous pouvez maintenant là, entendre le concert qui est très bien enregistré. Et l'homme en question qui était venu me porter l'enregistrement, c'était lui, l'auteur de cet enregistrement-là. Donc, il m'a expliqué comment il avait fait pour enregistrer directement sur la console grâce à un pot de vin ou un pot de pote, ce serait à vérifier. Il s'était plugué directement sur la console et avait comme ça pu avoir le meilleur de Pink Floyd. La seule visite de Pink Floyd à Québec, c'était en 1971. À quel endroit, quelle salle? C'était au Pavillon de la Jeunesse. C'était le 25 novembre 1971. Moi, j'ai vécu quand même tout un concert. Je déroge complètement de ton Vas-y, top 5. Vas-y, on est en position numéro 2, il en reste juste un, on gagne du temps. Mais Leonard Cohen, au Pavillon de la Jeunesse, oui. Super concert. Très c'est beau concert, oui. C'était un concert que je ne savais même pas que j'étais pour aller voir. Avant l'appel d'un ami qui m'a invité au concert, quelques heures avant le concert. Il y a eu quelques bons concerts dans l'histoire du Pavillon de la Jeunesse. On se rappellera évidemment de Master of Puppets de Metallica, de d'autres visites aussi, mais Pink Floyd et Leonard Cohen vont rester, je pense, les moments marquants de l'histoire du Pavillon de la Jeunesse. Et roulement de tambour. En première position, Québec c'est ma ville, Def Leppard c'est mon style, mais c'est Metallica qui est en première position évidemment. Le spectacle de 2012, ce serait trop facile de vous le présenter comme un moment formidable. Il est vendu sous le nom de Québec Magnétique, en format DVD. Ah oui. On me voit dedans. J'étais là, les deux concerts, mon gars. Ça avait été vraiment un moment important dans l'histoire de Metallica. C'est assurément un des meilleurs concerts filmés qui a été vendu par la suite officiellement par Metallica. Mais si vous êtes des vrais fans de Metallica, tout ce qui est après l'album noir, ça vous écœure. Donc, je vous conseille vivement d'aller vivre le spectacle durant 1 minute 32, le passage au Pavillon de la Jeunesse en 1986, à l'époque où Metallica faisait du vrai métal, la tournée Master of Puppets, le nez bien plein. Ils ont joué pendant presque 3 heures, mais on a un extrait de seulement 1h32. Je pense que c'était l'apogée, le pinacle, le meilleur moment de l'histoire de Metallica. Donc, ce serait peut-être ma première position dans le top 5 des bootlegs Made in Quebec City, Quebec Rock City. Merci beaucoup, François Guerrier-Pi. C'est fort apprécié. C'était une belle recherche. Et puis, parlons rapidement quand même des albums marquants, toi personnellement, des albums marquants de la ville de Québec. Tu en as nommé plusieurs en début de chronique, mais ceux qui sont proches de ton cœur, ceux que tu apprécies, on avait parlé un peu hors d'onde. Oui. Bien, en fait, c'est simple de dire que à l'époque où j'étais au Journal Voir, je couvrais la scène culturelle, contre-culturelle de Québec. Donc, moi, France d'amour, Kevin Parent, c'était pas moi qui faisais ça. Moi, je faisais le hip-hop local, la musique lourde, le punk rock, voire même la techno. Donc, si Tiesto venait, c'était moi. Si Limoilou Stars faisait un disque, c'était moi. Si, par exemple, Suicidal Tendencies passait par Québec, c'était moi aussi. Mais l'idée d'avec des gens qui sont de Québec et qui ont engendré des musiques formidables, de mon règne à l'époque, c'est sûr que les Pascal Picard, Jean Leloup, Lost Finger vont rester, à mon sens, très importants. Du côté techno, on a évidemment Marc Auger, Preach, Jérôme Minière, comme je le disais tantôt, qui a produit un excellent concert à partir du Grand Théâtre de Québec. Et c'était, je pense, un des grands moments là, dans l'histoire des artistes qui soit ont enregistré à Québec ou encore étaient en provenance de Québec. Mais l'ultime prince, le roi, le roi pompon, c'est Jean Leloup, le gars, le fidéen, Jean Leclerc, qui se promenait il y a quelques semaines encore à Sainte-Foy avec son sombrero. Il était chez ses parents en visite et plusieurs fidéens l'ont reconnu, l'ont vu comme ça dans les rues de Sainte-Foy, Jean Leloup, qui, à l'époque de Menteur, était vraiment un petit cul de Sainte-Foy, qui avait enregistré le dernier vinyle sur Audiogramme et qui, avec l'album Menteur, c'est ça. Et à l'époque de Menteur, bon, c'était le dernier officiel LP d'Audiogramme et c'est devenu le grand artiste qu'on aime tant depuis si longtemps. Bon, super. Donc, Jean Leloup, c'est mon préféré. Et puis, évidemment, on est dans un disquaire. Tu es anciennement un disquaire. Tu es bien ici. Comment est-ce que tu apprécies le retour d'un disquaire indépendant qui engendre quand même beaucoup d'énergie locale? Bien, moi, ce que j'aime souvent, c'est retrouver une touche locale dans les disquaires. Quand je voyage, je voyage trop peu, mais quand je voyage, des fois, si tu vas à Boston, c'est le fun de parler des Pixies ou d'Aerosmith ou des choses comme ça. Quand tu vas en France, tu aimes parler des artistes aussi français. Souvent, tu peux acquérir des disques plutôt rares ou connaître des artistes justement que tu ne connais pas du fait que tu es trop éloigné. Bien, moi, ce que j'aime ici, c'est l'ambiance, c'est relax, on est bien reçu, la sélection est bonne. Amateur de musique lourde, c'est un spot à Québec, là, si vous voulez renflouer vos coffres. Dans les nouveaux arrivages, on trouve souvent des choses qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on avait oublié que ça existait. Donc, je pense que... Des belles surprises. Des belles surprises à tous les niveaux. Comme là, on a un disque de Platinum Blonde qui m'attendait, là, un de mes groupes préférés à vie. Donc, c'est des surprises comme ça. Quand on vient chez un disquaire, on va chercher autre chose que le simple plaisir de s'acheter un disque. C'est donc c'est vraiment apprendre, connaître, partager. Une de mes plus grandes tristesses à vie, c'est justement la disparition des disquaires. Il n'y a pas d'équivalence. Hein. Tu as beau passer 3 heures sur iTunes à checker des nouveautés. T'es tout seul, là, je veux dire, t'es tout seul avec ton ordi. La découverte est plus difficile. La découverte est plus difficile. Moi, je me souviens de nos belles années, Jean-Claude de chez Platine, où on échangeait là, sur tous les genres musicaux. J'ai découvert des groupes formidables comme Mesrine dans le grindcore, que je ne connaissais pas du tout et que j'apprécie évidemment à petite dose, mais aussi le techno minimal qui, à l'opposé, était complètement différent et qui m'enchante tout autant là, depuis cette époque-là. Sans les disquaires, souvent, on ne connaît pas où on ne connaît ce qu'on connaît seulement. Là, on limite notre connaissance. Bien, François, merci beaucoup. Merci beaucoup de participer à l'émission de cette super chronique, mais aussi, tu vas être notre DJ invité pour le restant de l'émission. J'aimerais ça. Et jusqu'à la fermeture de la boutique. Donc, venez nous voir ici. On est en direct du Knockout, direct dans le shop pour les 5 ans de la boutique. On poursuit en musique avec David Bowie. My time was running wild, I mean, dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. I wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change their size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Change it, turn and face the strength. Changes. Don't tell them to blow up on all of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to our necks and in. Time may change me, but you can't trace time. Strange fascination fascinating me. Our change. Jean-Sébastien Gondin, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Jean-Claude Anto, de m'avoir invité, comme on, je te l'ai dit. On a raté le karaoké live de Jean-Sébastien Gondin qui chantait sur David Bowie. Tu avais une anecdote exactement en lien avec la chronique de François Guérépy. Oui, il y a deux grands concerts qui ont été présentés sur le territoire de la ville de Québec. Et moi, je les appelle encore les concerts de la honte parce que je vous dirais, où étiez-vous les fans? Où étiez-vous en 2006 lors de la fameuse tournée Reality Tour de David Bowie au Colisée Pepsi? On était 4000. Mais j'étais là. C'est en moins, je sais. C'était moi super aussi. Bon. Je pense que c'est les billets que j'ai payés les plus chers. Mais 80 je m'en rappelle. Plus les taxes. Moi, j'étais sur le parterre en plus. Moi aussi. Deuxième rangée. Okay, première bon. Partie, c'était Polyphonic Spree. Ça a été vraiment un Polyphonic super beau Spree. Super 23 beau musiciens sur scène. Ouais. Non, c'était extraordinaire. Mais et ton deuxième concert? Le deuxième concert, c'est un groupe que pour la première fois et je pense la dernière fois va mettre les pieds sur la terrain de la ville de Québec. Surtout dans le parking d'Exposité. On était 200 pour voir The Flaming Lips. On était 500. Ça va mal. Ah, je vous le dis. OK, 500. C'est bon. J'ai compté 1 à 1. Mais c'était quand même drôle. Et même moi, j'ai cru entendre par la suite qu'ils étaient allés au cercle pour finir après la soirée. Et ils discutaient à quel point c'était un peu décevant comme foule. Et la tradition de Wayne Coyne de se promener dans une espèce de ballon gonflé géant, faire du body surfing, c'était la fois que c'était le moins long. Ça a effectivement pas été long, ça a été risqué. Merci beaucoup de participer à l'émission, qui est une émission spéciale pour les 5 ans du Knockout, direct dans le shop. Je trouvais ça important de t'inviter en tant qu'animateur très zone. T'es quand même régulièrement à CKRL, mais t'es aussi un fan de vinyle. Ben, je fais trois émissions officielles, mais j'ai une moyenne de 5 par semaine. Parce que je remplace pas mal tout le monde. Un homme occupé, je trouvais ça, puisque t'es fan, je t'ai demandé oui. de nous sortir des belles galettes, une belle sélection de vinyles. Ce que j'ai acheté ici même au Nankot, et j'en suis très fier, parce que je te dirais, premièrement, la qualité des vinyles sont excellentes, selon mes critères à moi. On parlait des Flaming Lips tantôt. En 2014, on fait paraître un album qui s'appelle With a Little Help from My Friends. Et ça, j'ai écrit personnellement à Roxane de le faire venir parce que je savais qu'ils avaient participé avec nombreux musiciens, dont des musiciens de My Morning Jacket, entre autres choses. choses, Foxygen, Tegan and Sarah, des projets, des membres, des projets un peu, des side projects, comme on l'appelle, des membres des Flaming Lips, et aussi la très charmante Miley Cyrus, qui sortait un peu de son espèce de carcan de petite fille, après le scandale là, de s'être un peu frotté de trop près avec l'autre Robin Tyke. Et là, elle a enregistré avec les Flaming Lips l'excellente version de Lucy in the Sky with Diamonds. Et cet album-là, c'est un album qui reprend l'intégralité de l'album mythique des Beatles, The Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Et j'imagine que la raison pour laquelle ils ont eu les droits, c'est bien parce que une bonne partie des profits de cet enregistrement-là est allée à une fondation qui s'appelle The Bella Foundation. Et j'ai fait mes recherches et c'est une fondation qui vient en aide à la protection des animaux et l'utilisation éthique des animaux. Donc, je pense que ça va dans les valeurs de Sir Paul McCartney, qui a sûrement dit, ben là, OK, c'est beau, je vous donne le droit de faire ce que vous voulez avec mon album et ma musique, mais à condition que ce soit comme ça. Et c'est une très belle galette, je vous dirais. C'est le vinyle, il est quand même magnifique. On peut ouvrir ça. Il y a des images un peu alternatives en lien un peu avec un clin d'œil avec cette fameuse pochette mythique. Et le disque est jaune, pétant. Si on pouvait voir à la radio, on en aurait... Et, quoi? Orange. Je suis daltonien. Mais tu sais que c'est des belles couleurs. Si on pouvait voir à la radio, on voit que c'est il vraiment orange. Effectivement tout il, un... Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. J'ai ajusté mon appareil, là, puis il est orange. Ensuite de ça, une autre des sélections que tu as amenées... Hey, j'ai trouvé ça l'autre jour. C'est moi, j'avais su que le fils de John Lennon, et Sean Lennon, est un gars qui a tenté une carrière solo début fin des années 90-2000 avec des petites chansons un peu poppy. Puis là, il s'est laissé pousser les cheveux, rencontrer du monde un peu avec d'avant-garde et a suivi la voie psychédélique de son père. Alors, il s'est vraiment coquiné avec Les Claypool, le bassiste émérite de Primus, et ils ont fait The Claypool Lennon Delirium, et ils ont sorti un album de 4 tonnes, un 7 pouces, c'est-à-dire un format plus... Ça, c'est un 10 pouces. Un 10 pouces? Ben, ouais. Tu vois, je suis daltonien. Donc, un EP, 4 chansons. 4 chansons, c'est deux reprises. Qui est encore très magnifique, qui est très beau. Ils ont appelé ça Lime and Limpid Green, qui est en référence, bien sûr, à l'excellent album, la chanson Astronomy Domain de Pink Floyd. Et ils la reprennent, justement. C'est un album de reprise. Donc, ils reprennent des pièces de Pink Floyd, de Who, Flower Traveling Band et également King Crimson. Ils font l'intégrale de... pas l'intégrale, mais quand même la version de... The Court of the Crimson King, et à la manière de Sean Lennon et Les Claypool, que ça s'appelle ce projet-là. C'est magnifique. Ça va tout à fait dans la touche des gens qui adorent le psychédélique. Bien que c'est quand même des grosses reprises de bandes connues, ils la font de belle façon. Un beau 10 pouces avec justement ce petit côté splattered vers lime, justement. Et il sent la lime, c'est magnifique. Un autre achat que j'ai fait récemment ici, encore une fois, une personnalité que j'affectionne particulièrement parce que c'est une femme, premièrement, et c'est une femme qui s'est fait remarquer par plusieurs dimensions. Elle a fait un peu dans le funk, mais c'est surtout la dame qui a influencé énormément Miles Davis. Elle s'appelait Betty et elle a pris le nom de son mari qui s'est marié avec eux. Ils ont resté mariés pendant un an et demi ou quoi que ce soit. Elle s'appelle Betty Davis, comme mais elle est afro-américaine. Et là, fait un album qui s'appelle The Columbia Years et s'est sorti comme étant une espèce quelque chose d'inédit. C'est une session d'enregistrement qu'elle a faite avec des musiciens, entre autres des musiciens de session, dont le fameux batteur de Jimi Hendrix. Et ça, et à l'époque, ça n'avait pas sorti. Non, je pense pas. Il y avait pas. Eu une chanson, je crois, qui avait sorti en extrait, mais c'est vraiment, ils ont rapiécé cette session-là pour en faire un album. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Surtout, je pense même qu'on entend Miles Davis, oui, qui parler. Fait la réalisation, qui dirige. Avec sa grosse voix rocailleuse. Et c'est, je vous dirais, c'était quand même le fun de voir ça. Et Betty Davis a été j'allais dire charnue, mais c'est pas ça non. Charnelle, non, c'est pas ça non plus. Elle était charnière dans la carrière de Miles Davis parce qu'elle lui a fait connaître la musique de Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix. Elle l'a amené vers le côté psychédélique et c'est justement la rencontre de cette dame-là. Ça l'a fortement influencé. Et c'est justement la rencontre de cette dame-là qui a fait le fameux album Bitches Brew, qui encore aujourd'hui est un des albums jazz les plus vendus de tous les temps. Et c'est un album qui justement vient casser toute la dynamique du jazz comme on connaissait dans les années 60. Alors, puis on va passer, on parle de musique, on check des vinyles, mais on veut écouter des vinyles, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Je me rappelle, je suis rentré ici, je pense, il y a 2 ans, on est encore, ça fait quand même, je pense que je suis un des clients réguliers depuis 5 ans, je flobe au moins 150 pièces par mois. Je pourrais mettre cet argent-là ailleurs. Et Esquerita, c'est un artiste qui la houppette de Little Richard, les petits cris syncopés à la Little Richard. D'ailleurs, c'est lui qui a influencé le look de Little Richard au complet. Et, qui n'a pas eu la popularité ou la reconnaissance. Il lui a dit carrément, prends toutes mes gimmicks, vas-y, je te laisse, ça me dérange pas. Et lui, il a toujours vécu en parallèle, un peu plus misérable que Little Richard. Et il est mort en 1986, mort... bien sûr, de cette maladie triste des années 80, le sida. Mais de son vivant, il a réussi à enregistrer « I'm Batty Over Hattie », qu'on va écouter présentement. On vient que Jean-Sébastien, on est en direct du Knockout, direct dans le shop. Venez nous voir. Du Nord à la Ninkasi, près de 10 ans après leur premier passage. C'est l'occasion d'entendre le plus récent répertoire de racines nordiques. Chaque spectacle est unique et met en scène des compositions originales. Costumes, accessoires insolites et instruments inusités supportent la performance d'une dizaine d'artistes sur scène. Les Bâtards du Nord à la Ninkasi le samedi 26 mai à 20h. Billets disponibles à la Ninkasi ou sur lepointdevente.com. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 17 au 20 mai 2018, CKRL 89.1 est fier de présenter le concert de Dalava le samedi 19 mai à 15h en première québécoise. Chants traditionnels de la République tchèque et musique inspirée du jazz actuel et du post-rock. C'est un rendez-vous le samedi 19 mai prochain à 15h pour le concert de Dalava à Victoriaville. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Des écoles sous pression, c'est bon pour qui? Vous voulez vraiment savoir? C'est bon pour personne. Comme enseignante, je deviens multitâche dans une école fourre-tout. Ça m'enlève du temps pour m'occuper de tous mes élèves. Ça fait que nos classes sont plus équilibrées. Ça fait qu'on se sent pas respecté ni écouté par ceux qui prennent les décisions. Ça fait qu'on se sent épuisé. Il y a une limite à presser un citron quand il n'y a plus de jus. Monsieur Couillard, Monsieur Proux, l'école sous pression, ça suffit. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Pourquoi être membre de CKRL? Parce que tout simplement, c'est la meilleure radio au monde. Et aussi parce que vous économisez 20% au bar salon Quartier Général, 1 boulevard Charest-Ouest. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. Plus je suis calme, plus j'ai plein d'énergie à donner et je suis disponible à ce qui se passe autour de moi. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Qui je suis ailleurs autre qu'un comédien, tu sais. Donnez matière à la vie. Comédien et ébéniste Christian Michaud comme un livre ouvert. Il y en a un que c'est comme un métier qui est beaucoup dans les émotions, c'est dans la tête, c'est les idées, tout ça. Et l'autre, c'est tout à fait le contraire. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. C'est une qualité de vie qu'on a osé s'offrir. En mai, voyez au cinéma Le Clap. La Ch'ti de famille dès le 4 mai. Knock dès le 11 mai. Deadpool 2 et Show Dogs dès le 18 mai. Gauguin voyage en Tahiti et Solo, une histoire de Star Wars dès le 25 mai. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Let me tell you about Cette émission vous est présentée en direct du disquaire Knockout, le disquaire indépendant spécialisé en vinyle et musique locale. 832 rue Saint-Joseph-Est. Sur les ondes de CKRL 89.1, on est en direct du Knockout pour souligner leur 5e anniversaire. On a décidé de garder Jean-Sébastien Grondin avec nous après sa super chronique de beaux vinyles qu'on aurait vraiment aimé que tout le monde puisse voir ces beaux vinyles de couleur-là. Puis on a décidé de l'accoupler avec M. Sam Murdoch. Merci. Monsieur Sam Murdoch, c'était important pour nous de parler à quelqu'un d'aussi actif aussi de la scène locale dans le cadre du 5e anniversaire du Knockout. Sam Murdoch, merci d'être là. Merci Jean-Claude Anto. Sam, tu es musicien, tu as organisé des shows autant petits que gros, tu as aussi une compagnie de disques qui se nomme P572, tu fais des releases indépendants, etc. Tu es vraiment la personne qui pourrait peut-être représenter le plus la musique indépendante à Québec, toujours actif et toujours vivant. Comment se porte la musique indépendante locale présentement à Québec? Belle et grosse question. Je pense que ça se porte bien. Je veux dire, à travers les années, on parle souvent de comment ça se démocratise à cause du truc digital. Mais ce qui est magnifique, ben là, parce que tantôt, on avait François Garriépi, qui est un old-timer, qui lui parle souvent du Cachemire, de l'Arlequin et de la rue Saint-Jean avant qu'il refasse les trottoirs. Mais les jeunes, moi, ce que j'aime, c'est présentement, c'est les jeunes de 15 ans et les jeunes de 20 ans qui, eux, ont accès à une tablette graphique, qui ont accès à un ordinateur, à Bandcamp. Puis là, à 20 ans, tous les artistes, tu sais, sont à 20 ans, il y a 20 ans, le monde faisait cégep en spectacle. Là, maintenant, à 20 ans, tout le monde sort un album, tout le monde fait de la musique, tout le monde fait des concerts, tout le monde a l'air super professionnel. Donc, ces jeunes-là, on parle de le Pantoum, là, ils ont plus 20, sont mi-vingtaine maintenant. Mais non, je pense que la scène indépendante se porte magnifiquement. Les gens sont plus organisés, la musique est plus diffusée que n'importe quand. À l'époque, les gens faisaient 10 chansons, ils sortaient un CD, ils sortaient un vinyle, puis il y avait quelques spectacles. Mais là, la musique est vraiment diffusée at large à cause d'Internet. Mais non, je pense que présentement, c'est super, super vivant. Puis les jeunes, tu sais, les jeunes qui ont 20 ans, qui sont baveux, qui sont pas nostalgiques de l'époque de Québec d'il y a 15-20 ans. Mais non, je pense que ça se porte super bien. Puis avec des magasins comme le Knockout, qui a une espèce de renouveau. Les gens, souvent, qui mentionnent pas assez, le Knockout, c'est le seul magasin à Québec qui font des in-store. Exact. Tu sais, le in-store qui est le concert sur place, en magasin. J'ai toujours pensé là, que Ça se démarque des une autres. Des fonctions, une des fonctions d'un magasin, puis souvent, c'est un truc plus anglo. J'habitais à Halifax un bout, puis à Vancouver, puis il y avait toujours un in-store. Puis in-store, c'est une personne avec une guitare qui fait une prestation dans le cadre d'un lancement ou quoi. Puis le Knockout le fait, mais c'est rare avec de la musique aussi élevée. Ben, en fait, ils font de tout azimut. N'importe quoi, mais le band metal n'a pas besoin vraiment de jouer acoustique dans le coin du Knockout. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on mentionne pas souvent. Donc, ben, ça pour dire que oui, avec des disqueurs comme le Knockout, la scène se porte encore mieux que je pense que jamais. Je sais pas, hein, Sunvice acoustique. Unplug. Assis, tout le monde, assis. Sunvice acoustique. Ça va sonner comme du hopette. J'ai décidé de garder Jean-Sébastien Grondin parce que vous avez un groupe ensemble, oui, les gars. Oui. Vous faites des tournées ensemble, oui. Vous avez maintenant des disques ensemble. Oui. C'est quoi pour... On fait la tournée des disquaires indépendants ensemble. Ensemble aussi. En France, quand on part, il n'y a jamais une place qu'on n'arrête pas. S'il n'y a pas des, y a des vinyles, on part 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, jase avec la personne. On essaie pour de faire magasiner? Des amis. Oh, oui, on magasine. Okay. Oui, mais ouais. J'ai eu une révélation il y a quelques années. On s'est retrouvé en duo ensemble avec Oromocto Diamond, qui est notre groupe. On s'est retrouvé, on l'a fait 6 fois en France. Puis à chaque fois, on a une petite valise avec notre marchandise. Puis je me suis toujours retenu d'acheter des disques. Fait que là, pendant quelques années, j'achetais seulement des 7 pouces. Parce que souvent, les 6 pouces en sérigraphie, 5 euros, ça rentre bien à la valise. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une espèce de flash. Je dis, OK, on se lâche lousse, puis on se fait shipper les disques. Hein? T'arrives aux douanes, t'as rien à déclarer, t'as rien acheté. Puis là, tu te fais shipper. Fait que là, on arrive à tous les disquaires. Puis souvent, on fait un spectacle dans un bar, puis le soir, dans un disquaire, on joue. Fait que là, ça a l'air cool, un truc local. Puis là, on se retrouve avec une pile, genre, 250 euros de disques. Puis dans tous les disquaires, à une place. On reçoit ça, genre, 2 semaines après d'être rentré de tourner. Ouais. On est encore un peu nostalgique. On fait comme, ah, ouais, c'est vrai, j'avais acheté ça. Fait que là, t'arrives aux douanes, puis au lieu de trouver, il dit, qu'est-ce que vous avez acheté? Rien. Est-ce que vous avez quelque chose? Non, rien. Rien à déclarer. Là, il trouve ça louche. Il fouille quand même les valises. Moi aussi, je fouillerais ta valise. Hey, on arrive à Québec une fois, il fouille la valise, il ouvre la valise, il y a une bouteille de vin qui a explosé depuis 2 jours. Il la referme, il dit, c'est beau. du vin rouge, j'ai plus jamais rapporté de vin dans mes valises. Bon, ben, et toi, en tant que propriétaire de label, oui, de disque, l'importance de décider de sortir un format vinyle, est-ce que c'est par nécessité ou c'est parce que c'est le hype en ce moment? Ni un ni l'autre. Je pense que c'est une espèce de passion. Pour vrai, souvent, la musique, ça reste assez accessible à cause d'Internet, ça reste accessible à cause des vinyles. Mais je pense que ça vient d'une passion profonde. Moi, les gens qui m'inspirent, pour vrai, c'est les gens qui font du verre soufflé, de la poésie, puis de la sculpture sur bois. Tu sais, quand tu fais la sculpture, il n'y a aucune de ces questions-là qui t'est mise d'en face. T'sais, tu dis, tu le fais parce que c'est vraiment profond en toi, parce que tu tripes sur ce truc-là. Puis les vinyles, la même chose. Je pense que c'est pas tout le monde qui devrait sortir un vinyle, mais si oui. Moi, je fais pas de 4 roues, j'ai pas de vacances, j'ai pas de chalet. Moi, j'aime écouter un vinyle, j'aime faire des vinyles, j'aime des bands qui font des vinyles. Il y a aussi l'aspect œuvre d'art que t'aimes beaucoup. Ouais, aussi. Non, mais j'aime les pochettes, j'ai beaucoup parlé de pochettes. Il a gagné le Félix cette année, mais best pochette. Félix. À la Claire Ensemble. Et justement, tu parlais de trucs indépendants, à la Claire Ensemble, on a sorti, non, on l'a fait quand même, nous. J'ai travaillé sur 150 albums en 15 ans. Nous, on a sorti 80 de façon 100% indépendante, sans subvention, sans financement ou rien. Puis, on sort prochainement l'album Les Frères Cueilleurs à La Claire Ensemble, en vinyle. Puis là, je me suis fait un vrai trip. T'sais, souvent, à La Claire, qui est un groupe de Québec, rap, qui est un peu plus gros. Qui adhère bien à l'esthétique de P572, mais qui n'est pas sur votre label. Non, ben là, on fait une coproduction. C'est une coproduction P572 et 7e Ciel Records pour un vinyle. Puis là, je l'annonce, on sort le disque en exclusivité dans 10 disquaires indépendants au Québec pour les remercier de faire des disques comme ça, parce que le disque coûte cher, parce que le disque, c'est un disque double, vinyle. Mm-hmm. Puis là, on a dit, OK, ces disquaires-là méritent d'avoir les copies en premier, sont numérotées, et je suis payé un trip pour vrai. Là, OK, c'est une pochette double, holographique, au complet. Le carton, c'est 28 points. C'est fait en Californie chez Staunton Printing. Okay? Moi, tu regardes les pochettes ici les plus belles là, qui gagnent les prix genre pour le Grammys de l'année chez Staunton. Puis là, j'appelle le gars, il s'appelle Rob. Le gars, il a une grande barbe, il a 60 ans, ça fait 35 ans qu'il travaille là. C'est lui qui imprime toutes les Jack White. C'est lui qui imprime toutes les Led Zeppelin, les box sets. T'sais, c'est une espèce de légende, l'impression. Tu l'appelles 2-3 fois. Puis, et maintenant, il imprime les productions de Sam Murdoch. Il imprime à La Claire Ensemble. En gros, gros, gros vinyle. Puis il se parle à toutes les semaines. « Hey, Sam, I was wondering... » Non, mais pour vrai, moi, je paye. Tu sais, il y a des gens qui trippent sur la musique. Moi, je trippe aussi sur l'impression, sur les pochettes. Puis ce gars-là, c'est une espèce de légende. Puis on a décidé de faire à La Claire Ensemble, là-bas, puisque c'est un peu une exclusivité que j'annonce là, que ça sort dans les disquaires indépendants. Yeah! Yeah! Puis ce qui arrive avec les vinyles, le lancement, c'est tourné encore ici. En plus. On te l'annonce en primeur, Roxane. On vient de le booker. Mais donc, à La Claire Ensemble, qui est un des groupes, je pense qu'il y a un groupe comme ça par génération, par ville, d'avoir 6 têtes fortes, 6 beatmakers, 6 rappeurs qui ont une espèce de magie. Puis comme le disque, souvent les CD ou les vinyles, le vinyle, c'est un gros CD. Mm-hmm. Mais là, comme l'album Les Frères Cueilleurs sort un an et demi après, on s'est dit, on a mis des animations zootropiques sur tous les stickers des vinyles. Non, pour un vrai truc de fun, avec une carte de download, photographiée par le Ben, son numéroté estampé à chaud. Une œuvre d'art. Exclusivité, puis d'œuvre d'art, là, incroyable. Œuvre d'art à l'image de P572, ouais. De votre production de pochette et du groupe À la claire ensemble. Merci beaucoup. Merci d'avoir beaucoup, participé Jean-Claude. À l'émission. Sam Murdoch et Jean-François Grondin. Jean-Sébastien Grondin, pardon. Merci, Jean-Michel. Et bonne fête au Knockout. Bonne fête! Notre DJ invité, François Garipi, qui nous a fait une belle sélection avec un 45 tours des White Stripes en direct du Knockout pour souligner leur 5e anniversaire. Il reste encore quelques minutes à l'émission et à venir profiter de cet anniversaire et encore un peu de morceaux de gâteau. On poursuit avec des invités. Marianne Poirier, bonjour. Allô. Ça va bien? Merci d'être là. Marianne est une artiste de Québec. Elle est accompagnée, on va avoir aussi en entrevue dans quelques instants, Julien Dallaire qui nous accompagne aussi ici. On va commencer avec toi, Marianne. Dis-moi, Marianne, toi qui es une artiste indépendante, mais qui débute, si on veut, son travail sur la région de Québec en tant qu'artiste indépendante, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir une boutique ou un disquaire indépendant qui encourage les artistes de Québec auxquels on peut sentir un sens de communauté, un peu de la même manière qu'on pourrait sentir au Pantoum, par exemple? Ben, qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est l'essentiel, je pense, finalement. C'est comme nécessaire, finalement. En fait, moi, je me vois souvent acheter des albums, puis la seule manière que je les achète, c'est soit ici ou soit directement sur Bandcamp pour que l'artiste en tire le plus possible, finalement. Donc voilà, là, pour moi, une boutique comme le Knockout, c'est essentiel, puis c'est super cool pour les artistes, d'autant plus que les albums peuvent être disponibles ici, on peut jouer ici, on peut chiller ici, on peut, voilà. Profiter de toutes les sphères. De quelle manière est-ce que tu crois pouvoir prendre ta place dans toute cette sphère de la ville de Québec en tant qu'artiste indépendante? Bonne question, mon Dieu. Ben, comment je peux prendre ma place? Je sais pas. Je sais pas. Je sais très bien, mais c'est en créant des trucs exclusifs, finalement, en créant l'exclusivité. Puis tant qu'à moi, justement, un vinyle, c'est une pièce de collection, là, c'est une exclusivité. Puis c'est drôle que tu demandes ça parce que là, moi, je songe à, comme, pour me faire remarquer avec mon prochain EP, je vais faire des vinyles, fait que voilà, qui seront certainement en vente au Knockout quand ça va sortir. Mais oui, donc voilà. Donc tu nous annonces un scoop. Ben oui. On peut dire ça. Non, mais c'est super. Donc, ouais, ben oui, oui, oui. Et d'avoir le plaisir d'avoir, composé ta propre musique et qui apparaît sur un vinyle, c'est important pour toi? Pas juste dans l'idée de se démarquer, mais c'est important pour toi? Ben oui, je trouve que c'est... Je trouve que le vinyle, justement, c'est le retour comme à la source, puis à ce qui a existé comme avant, le CD et le numérique. Puis je trouve que c'est justement c'est l'authenticité du son et de justement la pièce là, tu sais, c'est une grosse pièce, c'est un, puis moi je me souviens avoir mon père qui m'a souvent raconté ses histoires de quand il était jeune puis qu'il allait chez ses amis puis qu'il traînait sa boîte de vinyle qui pesait genre je sais pas combien de livres finalement, puis on dirait que je sais pas, je me suis toujours associée au vinyle puis avoir la collection que mon père a aussi et tout. Puis je me suis dit ben moi aussi je veux faire partie de cette collection là finalement. Puis, c'est, voilà, l'amour du vinyle, c'est un partage de la part de ton père? Ben entre autres, là, qu'il y en a une collection assez grande. Mais donc, puis là, ben moi aussi, je me construis tranquillement une petite collection finalement. Là. Mais voilà. Julien. Bonjour Julien, merci d'être là nous. Julien Dallaire, c'est un nom peut-être pour les gens qui suivent la page Facebook du Knockout. C'est un nom que vous avez probablement vu, puisque c'est le BDiste. Du Knockout. Écoute, on peut dire ça, on peut dire ça. Julien, à titre de façon mensuelle, nous offre une BD. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce projet-là, qui est quand même une autre façon, on n'a pas eu la chance de signer jusqu'à présent dans l'émission, mais une autre façon de se démarquer pour le Knockout? Oui, ben c'est vraiment l'initiative de Rox et JP. Là. C'est eux qui ont eu des bonnes idées de... Je pense que c'est... On s'est inspiré de... Comment ça s'appelle ton affaire de gens qui magasinent? What's in your bag? Hein? C'est ça, c'est des artistes qui vont dans des disquaires, puis ils jasent. En fait, l'idée, c'est de jaser à des artistes, mais pas de leur projet. C'est de... Qu'est-ce qu'ils aiment de la musique? Pourquoi ils font ça? C'est quoi les premiers shows qu'ils ont eu et tout? Puis on... C'est ça, on s'est dit, ben, ce serait une belle idée de mettre ça, mais de façon visuelle pour alimenter, entre autres, la page Facebook et tout ça. Ils sont très présents là-dessus, là, tout ce qui est réseaux sociaux quand même. Là, c'est une... Je trouve que c'est une belle partie du Knockout, là, on les reconnaît là-dedans. Puis, fait que c'est ça. Moi, on rencontre des artistes, puis j'essaie de faire un résumé de l'entrevue en une page, là, ce qui est vraiment un énorme défi à chaque fois, là, mais je pense que ça marche. En plus de ça, il y a toujours l'aspect de, je dirais tweaker, mais il y a toujours une genre de copie à une pochette classique où est-ce que tu te laisses aller un peu à créer un. Oui, ben souvent c'est ça. On fait comme annoncer l'artiste qui a été choisi là, pour l'entrevue. Puis c'est ça. Je pense que c'est la semaine avant. Souvent on s'inspire d'un artiste qui a parlé ou une pochette un peu mythique. Là, puis on s'amuse à y mettre la face dessus. Puis le concours de deviner c'est quoi l'inspiration. Puis là, c'est en tout cas le dernier coup c'était assez obscur. Là, fait que j'aimais bien. Mais c'est pas si obscur. Mais il y en a que c'est vraiment moins évident que d'autres. Tu sais, Harmonium, on la catch suite. Mais là. C'est ça, c'était Balavoine. C'est comme ça commençait à être compliqué. Fait que... Pour les puristes. Oui, Balavoine. Les... Oui. Ça fait déjà combien de temps que tu collabores avec le Knockout pour. C'était en automne, je crois. Ouais. Ça fait. Hein? Ouais, avec Kik Kuna le premier, mon oncle Serge. Ouais, puis c'est le fun, mais juste pour les rencontres, là, c'est assez. On a fait. C'est ça, il y en a eu beaucoup, là. Gab Paquette, le dernier. Guillaume Guitté. Tire le Coyote. Maud Odette, j'en oublie, oui. Je pense que c'est ça. On peut facilement les retrouver sur la page Facebook du Knockout. La page Facebook, c'est aussi l'endroit où il y a présentement un concours où le Knockout fait tirer deux certificats cadeaux de 50$. Et la question, ou plutôt la façon de participer, c'est de partager une anecdote. Et le tirage aura lieu ce mardi, c'est ce que Rox nous annonçait. Marianne, toi, lorsque tu lances un vinyle, tu vas vouloir faire le lancement, est-ce que c'est important pour toi de le faire le lancement ici ou comment est-ce que tu vois la promotion de ce vinyle-là? Ben, je le ferai pas ici le lancement, là. c'est pas important, c'est pas ça. C'est que j'ai tout un concept de lancement, oui. Et de pré-lancement et de préparation au lancement. Là. Fait que ça va être comme un gros événement. Justement, t'sais, tant qu'à faire des vinyles, ben on va faire ça gros. Mais ça va être à l'automne. Fait que d'ici à ce moment-là, il va y avoir plein comme d'indices et de voilà, de teaser. On se tient au courant. Oui, c'est ça, voilà, sur ma page Facebook, qui est en fait Lila, là, finalement, parce que mon projet, c'est Lila. Oui, et non, excuse-moi, je ne l'ai pas nommé. Mais non, c'est vraiment pas grave. puis voilà, puis c'est ça. Puis je sors la première partie de ce EP-là, qui est un premier single, le 18 mai. Fait que c'est bientôt. Parfait. Voilà. Donc, Lila, le 18 mai, la première partie de ça, la suite cet automne. Oui, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Marianne Poirier. Ben, merci. Merci, Julien, d'avoir participé à cette émission. On merci continue en musique avec notre DJ invité, François Gariepy. En direct du Knockout, il reste un petit 5-10 minutes à l'émission, mais la boutique est encore ouverte jusqu'à 18h pour venir souligner les 5 ans du Knockout. On est en direct ici sur les ondes de CKRL 89.1. On revient avec, pas une chronique, mais un sujet que moi, j'étais curieux de savoir. Depuis l'ouverture, un peu le type de palmarès, parce que maintenant, avec les ordinateurs, on oui. peut garder en note les choses qui sont vendues. Exact. Donc, Rox du Knockout est de retour au micro avec nous. Il y a eu quand même, parce que là, on parle du Record Store Day, on parle des ventes, on parle quand même qu'il y a une augmentation depuis quelques années de 20% de ventes de vinyle. En 2016, il y a eu 20% versus 2015, 2017, mm-hmm. un autre 20%. 2018, on s'enligne pour un plus gros taux que ça. Ça reste qu'en bout de ligne, c'est sur l'échelle mondiale, les ventes de vinyle sont correctes, sont en santé, mais c'est beaucoup sur les groupes très connus. Ouais. Donc je me demande toujours un peu comment est-ce que les artistes locaux ou plutôt québécois se démarquent de tout ça. Puis je me suis dit, crime, parlons à Roxane, regardons le palmarès des meilleurs vendeurs. Et si les artistes québécois font partie de ces meilleurs vendeurs-là, sans nécessairement mentionner uniquement les artistes, voulais-tu nous faire une courte liste des meilleurs vendeurs depuis l'ouverture du Knockout? Exactement. Tu sais, Jean-Claude, c'est important parce qu'on pense beaucoup, bon, oui, qu'on regarde autant les vinyles neufs que les vinyles usagés, on s'entend que Pink Floyd et puis les Beatles restent dans les meilleurs vendeurs. Mais quand on a demandé à notre ami Martin Coutu du pointdevente.com de me faire un peu de l'historique des ventes des dernières années. Il y a des trucs que je croyais bel et bien selon ce que j'ai vu passer, mais il y a des trucs assez surprenants dans le sens où que en fait le meilleur vendeur depuis le début du Knockout est Jean Leloup. Donc c'est quand même un artiste québécois, c'est quand même assez surprenant que c'est pas nécessairement Pink Floyd ou les Beatles, c'est Jean Leloup. Ça reste que si vous êtes une boutique qui n'a pas nécessairement de CD, donc exactement, on se fie uniquement à ses ventes vinyles. Exactement, donc Leloup, dans les meilleurs vendeurs, on s'entend que Radiohead nous ont offert avec les OK Not OK, le nouvel album il y a 2 ans aussi. Donc Radiohead dans le cœur des gens qui achètent du vinyle. Et un artiste, un groupe plutôt du Québec, là, c'est Montréalais, je crois. Je ne suis pas très bonne avec ma géographie, j'ai d'autres qualités. Depuis les 5 dernières années, Godspeed You Black Emperor est un chouchou en vinyle de tout album confondu, là, pas nécessairement leur dernier album, mais tous les albums de Godspeed est pas mal quelque chose de très recherché, c'est toujours un bon vendeur ici au Knockout. Je te confirme qu'ils sont montréalais. Merci. Des fois, je ne suis pas très bonne. Et on ne se le cachera pas, Kuna, que ce soit son projet solo ou encore avec les Ghouls, reste dans le palmarès. Et on s'entend, là, je ne vous fais pas nécessairement un palmarès seulement du Québec. C'est vraiment selon toutes les ventes. Leloup, Pink Floyd, Beatles, Radiohead, Godspeed. Les Ghouls se retrouvent parmi ces meilleurs vendeurs-là en vinyle ici au Knockout. C'est pas mal les chouchous ici. Est-ce que tu en voulais d'autres un petit peu? Ben oui, on peut continuer un peu la liste parce que je suis quand même curieux de voir un peu plus loin. Je vois, là, j'espionne un peu sur ta feuille, Bernard Adamus, évidemment. Adamus, il y a quand même une chose qu'il faut mentionner. J'ai trouvé que les... voyons, allô Sam, qu'est-ce que tu fais? Tu veux-tu venir parler encore? T'aimes ça venir parler, hein, je pense. Ty Segall, ici à Québec, Ty Segall, tous les albums confondus, c'est pas mal un grand vendeur en vinyle. C'est sûr qu'il y a un artiste, un groupe plutôt, qui se retrouve parmi la liste, qui n'ont pas de vinyle encore, donc si jamais ça peut mentionner aux artistes d'enfer. Québec Redneck Bluegrass Project en CD est un groupe très, très, très recherché, donc si jamais ils faisaient des vinyles, je crois que ça pourrait également fonctionner. On s'entend que les Cure, Maiden, Metallica vont toujours vendre. Et bien sûr, King Gizzard and the Lizard Wizard. Mon nom de band préféré. Exactement, avec leurs 5 albums dans la dernière année. Donc, encore une fois, dans les meilleurs vendeurs ici à la boutique. Donc, oui, il y a les classiques qu'on retrouve, Pink Floyd, Beatles, mais ce que je trouve intéressant, c'est que des artistes qui ont fait des trucs assez récents, comme par exemple King Gizzard, Ty Segall, des artistes qui ne sont pas là nécessairement depuis 25-30 ans, peuvent vendre autant de vinyles, on a la preuve avec Jean Leloup également, que des artistes de renommée mondiale. Et ce sont, évidemment, puisque ça fait partie des meilleurs vendeurs, c'est des disques qu'on retrouve facilement ici, on exact. Knockout. Oui. Merci beaucoup, Roxane, de nous avoir permis de s'installer ici en direct, en remote, comme on pourrait dire. On devrait refaire ça. pour souligner les 5 ans du Knockout. Merci à la régie Tania Beaumont. Technicien Simon Roy, la mise en onde en direct dans les stations Michel Gauthier et notre DJ invité François Gariepi. Merci à tout le monde. Merci restez Jean-Claude Danto surtout. Merci pour ton excellent travail dans le domaine de la musique. Je t'aime Jean-Claude. On vous invite à rester des nôtres à l'écoute sur les ondes de CKRL. L'émission écoutedonc.ca avec Jacques Boivin poursuit dans quelques instants. Vous a été présenté par CKRL en collaboration avec le Knockout, le disquaire indépendant spécialisé en vinyle et musique locale. 832 rue Saint-Joseph-Est. Je devrais peut-être ralentir dans la courbe. Ben non, elle est pas si pire. Pas sûr de ça. Eh ben correct. Ça peut être glissant. Voyons, on va pas se mettre à ralentir à toutes les courbes, là. Je prendrai pas de risque, moi. On en a vu d'autres, perds pas ton temps. Justement. Je veux passer du temps avec ma fille. En moto, écoutez votre petite voix.